C'est B-E-P-E-R-O. Aïe. Check. Le vrai du faux. Je remets de l'encre dans ma plume, faut que je sorte de ma bulle. Le lion en moi brûle car l'être humain a perdu ses burnes. Le rap c'est quoi? Un mouvement contestataire. Plus grand monde qui reste à bord, donc le navire reste à terre. Je me dois t'aboyer au milieu de ces chiens en laisse. Laisse-moi faire le taf car ce mois de vie me lasse. Non je lâche pas l'affaire, te casse pas la tête. T'écoutes, tu la fermes, reste pas les genoux à terre. Je vois cette masse de zombies apeurés devant BFM. L'élite est infâme, story des peurs et fait monter la FN. Mais l'être humain est faible, lâche et égoïste. Un peu comme la police, l'état se cache, nous envoie ses gouris. Puis l'homme descend du singe, arrête tes conneries. Y'a que l'hormone équilé, la guerre les fait gaulerie. Ça leur remplit les poches, pendant que je remplis des pages. Quand père oppose nos proches, tout ça, ça nous dépasse. Au mic, ça m'amène P.O. Je te demande qui je suis, anticonformiste. Je suis aussi juif qu'un sioniste. Aussi muslim que le sont les terroristes. Et aussi chrétien que l'était le Christ. Bien sûr c'est ironique, respect aux gens de foi. Trop de faux dans les faits, les inversés s'en donnent à cœur joie. Des tonnes d'armes G pour légitime défense. Le clergé n'a plus d'âme, donc les petits se défoncent. J'suis de retour dans ce game égocentrique, en marche vers la chute de ce faux parti centriste. Bienvenue en Macronie ou en état totalitaire. Quand la reine d'Angleterre faisait le signe à Hitler, Illuminati, leur lubie se dilapide. Faudra subir la tyrannie pour que les lobbies s'éradiquent. J'répète, Illuminati, leur lubie se dilapide. Faudra subir la tyrannie pour que les lobbies s'éradiquent. Tous confinés, pays de confinis. Manipuler c'est confirmer, donc arrêtez le chauvinisme. J'ai plus d'amour pour la patrie, mon cœur est grand, dissimulé sous ma poitrine. G, un fou de plus parmi les tarés. Dans le cul vous avez des balles, j'ai trop de trucs à vous déballer. De vos avis rien à carrer, de la vie il faut se marrer, ouais. Je laisse ma trace avant de canner, reprendre le mic qu'il fallait. Laisser passer quelques années, même si le passé nous a fané. Va falloir reprendre nos vies en main. 2020, on sent la patate arriver. Prévenu en vain, les prophéties vont-elles se réaliser? Discerner le vrai du faux, c'est vrai que j'y mets du flow. Faut-il cerner la vérité ou juste admettre ce qui sonne faux? Je vais ralentir quelques secondes, reprendre mon souffle face aux souffrances de ce monde. Sous la forme d'un virus, la nature reprend ses droits. Les notes sont bafouées, bafouées, te dis de rester chez toi. Les gens vont tout gober, c'est pas la première fois. Donc on dira que c'est les chinois qui bouffent n'importe quoi. Ou pourquoi pas les juifs, ou les francs-maçons. Arrêtez vos délires, c'est que des pièges à cons. Les entendus sont en guerre et puis c'est pas du bluff. Mais contre qui? Contre le Covid ou contre les peuples? Bienvenue chez Big Brother. On pique l'oseille, on brise vos mœurs. On vous surveille, maîtrise vos peurs. Pas d'empathie, on rit de vos pleurs. En France, le temps manque, c'est voulu depuis des lustres. Si on cède à la violence, on va tout droit au désastre. Le changement ne viendra pas de nos bulletins dans les urnes. Le ciel envoie des signes, on peut les lire en observant les astres. Toujours les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Sonne tes blessures, frère, avant que la paix détale. 49-3, puis l'euthanasie dans les EHPAD. Pendant que les pédophiles sont mis sur un piédestal. Mais qu'est-ce qui tombe pas rond? Des dealers au ballon, les violeurs ont le bras long. L'horreur prend du galon, merde. Jusqu'à quand ça va durer? Réveillez-vous ou sortez les lubrifiants et les durex. J'ai encore tant de choses à dire, tant de choses à faire. Et encore tant de choses à vivre, je lâcherai pas l'affaire. J'observe avec le sourire les gens se lamenter. Désolé, j'en ai des fous rires, mon âme en paix. Esselé, se prépare au pire, liberté muselée. Pff, on devait y venir et vous sur le vaccin. Ils en ont bien fait la pub, ils vous ont effrayé, aveuglé, vous prendrez la puce.